Question de principe. Quelle était belle la fête au pépé? Nous n'entendons ça, ça rose. On a bien mangé, les adultes ont bien bu. On a eu une pensée émue envers la mémé, emportée par un vilain cancer il y a 10 ans. On a ri, on a chanté, et puis tout le monde est allé se coucher. Pépé chez lui, Faustine chez son oncle, et le reste de sa famille à l'hôtel. Demain, on déposera la fillette à Rion, et on fera connaissance avec le couple de quinquagénaires qui aura la grande joie de s'occuper d'elle pendant quelques semaines, en échange d'une petite pension, bien évidemment. Rien n'est gratuit dans la vie. Rion est un faubourg situé à une demi-heure du centre de Bâle, un quartier calme, paisible, aux villas cossues, entouré de jardinets propres en ordre. Les haines habitent l'un de ces pavillons. Le couple, dont les enfants sont répartis aux quatre coins du globe, sont d'anciens clients de tonton. Ils ont une chambre libre leur permettant d'accueillir Faustine et d'épanouir ainsi ses parents. Madame N est une institutrice, aujourd'hui à la retraite. Monsieur N est comptable dans un bureau d'assurance en ville. Ils ont aussi un petit chien, genre saucisse sur pattes, que Faustine adopte aussitôt. Sa chambre, au rez-de-chaussée, à côté d'une salle de bain, donne sur le jardin. Elle a la permission d'utiliser la douche le dimanche uniquement, quand elle se lave les cheveux. Le reste de la semaine, elle est priée de se contenter du lavabo en se servant du gant de toilette approprié. Faustine, qui avait l'habitude de se doucher 2 fois par semaine, trouve ça idiot, mais n'insiste pas. Madame N entretient avec soin le terrain autour de sa villa, mais c'est dans les bois à proximité qu'elle promène petit chien 2 fois par jour. Faustine l'accompagne. Au début, ça grimpe, elle a le souffle court, de la peine à suivre. Madame N la distance facilement. Préado, Faustine est un peu enrobée, pas sportive du tout. Elle est effrayée par la taille de ses cuisses. Mais elle persiste et assez rapidement elle perd ce que maman appelle son lard de bébé. Madame N lui montre le chemin de l'école, va la présenter à sa future institutrice. Au début de la 3e semaine d'août, c'est la rentrée. Le chemin de l'école est agréable. Après 20 minutes de marche à l'écart des voitures, Faustine traverse un grand parc fréquenté par les amoureux. La fillette apprécie cet environnement de petites villas, d'immeubles à 3 ou 4 étages avec des balcons trapus, aux angles arrondis. Elle ne saurait pas expliquer pourquoi, mais il la sécurise. Elle est née dans cette ville, bien qu'elle n'y ait encore jamais vécu. C'est à croire que son subconscient sait mieux qu'elle où sont ses racines. Peut-être aussi que ce sentiment est dû au fait qu'ici tout est propre, taillé, nettoyé, soigné, organisé, sécurisé, que rien ne dépasse, que les gens sont attentifs aux autres et ont souvent le sourire aux lèvres. Ils la saluent quand ils la croisent et sont prêts à l'aider lorsqu'ils voient qu'elle en a besoin. L'école est un vieux bâtiment, l'intérieur reluit, sent bon le caustique, il y a du bois partout. Faustine s'y trouve tout de suite à l'aise. Le premier jour, Madame L l'a accompagnée et confiée à une gamine de son âge qui passait dans la cour. Aussitôt, Faustine a été prise en charge. On l'a présentée aux autres, expliqué le provisoire de sa situation, le problème de la langue et demandé à tous de faire un effort afin d'aider la nouvelle élève à comprendre les cours. Hélas, comme Faustine n'intègre pas assez rapidement le suisse allemand, les camarades se lassent de traduire. Très tôt, ils la laissent tomber. Au final, elle ne s'en sort pas trop mal, que ce soit en calcul ou en dessin, l'institutrice adaptant les autres matières. En français, c'est à son tour d'aider les autres. Mais ce qui plaît le plus à Faustine, c'est le début des cours. À 7h30, quand la prof principale entre en classe, tous les élèves se lèvent d'un bloc et entonnent un chant. Pas forcément l'hymne national, souvent un canon à plusieurs voix, et dans tous les cas, d'une beauté à couper le souffle. Que des enfants de son âge arrivent à obtenir un résultat aussi beau semble miraculeux. Faustine enrage de ne pas pouvoir suivre ni participer, mais elle est très reconnaissante de recevoir ce cadeau mélodieux. Quelques semaines plus tard, à l'occasion des journées de la gymnastique, elle réalise une nouvelle fois le retard qu'elle a pris en Belgique sur le plan sportif. Il s'agit d'un concours interscolaire et chaque classe est divisée en équipes. Il s'agit de solidarité et de discipline, de coordination et d'entraînement aussi. Il s'agit de sport. Faustine n'y a jamais été habituée. Ce jour-là, on lui remet un brassard et hardi petit. Au début, elle fait de son mieux. Mais hélas, bonne dernière aux 100 mètres, avant la fin du saut d'obstacle, elle déclare forfait. Elle est lamentable au saut, en longueur comme en hauteur. Quant à lui demander de grimper 10 mètres le long d'une corde, c'est comme vouloir tracter une voiture avec un morceau de guimauve. Toute son équipe perd haut la main, ce qui est vraiment très injuste, parce que les autres ont travaillé dur alors que Faustine n'est là que provisoirement. Elle en est terriblement désolée et rentre chez elle le moral à plat et le cœur en berne. Histoire de la consoler, Madame N la charge d'éplucher un immense sac de coin à moitié pourri. Elle devra trier ce qui peut encore servir et mettra le reste au compost dans le jardin. Faustine purge sa peine en silence et rumine ses frustrations. Cette fois, elle sera bien contente de rentrer chez ses parents. Le samedi suivant, Madame N souhaite aller chez sa coiffeuse. Monsieur N lui propose de l'y conduire en voiture. Pendant qu'elle se fera pomponner, il ira se promener dans le parc attenant avec Faustine. Chose dite, chose faite. On dépose Madame N et on gare la voiture. L'homme et la fillette s'enfoncent dans les bois. Ils marchent un bon quart d'heure, puis avisent un banc près d'un étang. Octobre est chaud. Cette année-là, un été indien comme on en a rarement vu. Faustine porte un gilet de laine. En dessous, elle a encore un pull et un sous-pull. Monsieur N se met à l'aise, tombe la veste, retrousse ses manches. Il essaie d'intéresser la fillette à la nature environnante, aux arbres, aux feuilles, aux petits oiseaux. Mais Faustine reste insensible à ce genre de discours. Elle préfère enchaîner les roues, grimper aux arbres ou se rouler dans l'herbe. Monsieur N lui ordonne de s'asseoir près de lui. Il lui prend une main qu'il prétend brûlante. Faustine est écarlate. Elle pourrait enlever son gilet, non ? Propose l'homme. La petite obtempère. Le pull suit dans la foulée. Ne reste plus que le léger sous-pull. À 13 ans, la jouvencelle est loin d'être formée. Des gamines de 11 ans le sont plus qu'elle. Cela ne semble pas déranger Monsieur N, qui se rapproche sur le banc, au point de la gêner. Finalement, il sort son porte-monnaie de sa poche, en retire une grosse pièce de 5 francs, et tout en lui postillonnant au visage, demande à Faustine si, en échange, elle veut bien finir de se dévêtir et se laisser embrasser. Mamma mia! Le loup sort du bois. Faustine s'apprête à agonir l'homme d'insultes quand elle a un éclair de génie. Saisissant la pièce, elle le regarde droit dans les yeux et elle dit « Nein, je ne veux pas t'embrasser et si tu insistes, je dirai tout à ta femme. » Et c'est avec un monsieur N confus et rougissant que Faustine triomphante s'en va récupérer une Madame N, joliment frisottée. Le lendemain, sa belle pièce neuve à la main, Faustine achète 2 paquets de biscuits au chocolat à l'épicerie du coin. Elle sait que c'est leur préféré. Elle les pose sur les oreillers du couple. Elle est toute joyeuse. Ses parents ont téléphoné. Tout est prêt pour l'accueillir. Dans quelques jours, ils l'attendront en gare de Nice. Il était temps.